troisième temps de notre série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la jeunesse. Aujourd'hui, jeunesse du Moyen-Âge, mais y a-t-il une jeunesse ou plusieurs au Moyen-Âge ? Après les jeunesses musicales et rebelles des années 70 et 80 du XXe siècle et le documentaire d'hier signé Amélie Meffre et Thomas Duterre consacré à la naissance du rock alternatif, nous changeons aujourd'hui d'époque et de décor et partons pour le Moyen-Âge. Comment définissait-on la jeunesse au Moyen-Âge ? Lui reconnaissait-on des vertus ou des droits particuliers ? Que signifiait être jeune selon que l'on était apprenti ou étudiant ? Comment l'éducation de la jeunesse a-t-elle évolué entre les XIIe et les XVe siècles ? C'est ce que nous verrons grâce à des textes qui seront lus pour nous par Mélodie Auruic, été choisi par nos deux invités. Valérie Toureille, elle est maître de conférence à Paris Seine, Cergy Pontoise. Elle est auteure entre autres de Crimes et Châtiments 5e, 15e siècle, publié en 2013 aux éditions du Seuil. Et Nathalie Goroshoff, elle est professeure d'histoire du Moyen-Âge à Paris-Est Créteil, auteure entre autres de Collège de Navarre, c'était sa thèse chez Honoré Champion, et de Naissance de l'Université, toujours chez Honoré Champion. Jamais je n'étais lassée, à jouer au jeu des enfants, et pour chasser les papillons, me voulais bien distinguer. Et quand attraper je pouvais, d'un petit fil je les liais, et puis je les laissais aller, ou je les faisais voler. Puis jouions à un autre jeu, qu'on dit à la queue-leu-leu. Et j'ai souvent d'un bâtonnet fait un cheval nommé Grisel. De la toupie à la ficelle, je m'amusais soir et matin. Et j'ai souvent, par un tuyau, fait voler une bulle d'eau. Loin de mon maître, je ne pouvais me tenir tranquille, car je me battais avec les autres enfants. J'étais battue, et je me battais. Et j'étais si enragée alors, que souvent, je rentrais chez moi avec mes vêtements déchirés. Alors on me grondait, et souvent on me battait. Mais à coup sûr, cela ne servait à rien, car je ne me modérais pas pour autant. Il suffisait que je voie mes compagnons passer devant chez moi, et j'avais tôt fait de trouver un prétexte pour m'en aller m'amuser avec eux. Voilà un extrait d'un texte de Jean Froissart, un texte du XIVe siècle, une sorte de mémoire d'enfance, pourrait-on dire. Donc un texte de la fin de ce qu'on appelle le Moyen-Âge, le XIVe siècle. C'est tout le début de la fin, pourrait-on dire. En l'occurrence, qu'on pourra commenter avec nos deux invités. Donc Nathalie Goroshoff, bonjour. Bonjour. Et avec vous, Valérie Toureille, bonjour. Bonjour, Emmanuel. C'est vous qui l'avez choisi, ce texte, pour parler de cette question de la jeunesse. Mais alors, on est dans l'enfance. Est-ce que c'est la même chose que la jeunesse ? Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de ces âges de la vie tels qu'ils sont envisagés par un contemporain du XIIIe ou du XIVe siècle, Valérie Toureille ? Alors effectivement, les âges de la vie sont au cœur de la réflexion des théoriciens de cette période. C'est Philippe de Novare qu'on cite très souvent, qui parle des quatre âges de la vie. Il y a ce qu'on appelle l'infancia, après la puericia, et puis après l'adolescence. Donc on est là plutôt encore dans l'âge du jeu. L'âge du jeu, c'est 5 ans, 7 ans, et de nombreux auteurs d'ailleurs disent que les enfants ne pensent qu'à jouer. C'est un peu ce que nous transmet là Froissart, qui est un homme qui a fréquenté les hommes de guerre, hein, qui donne un récit touchant, qui me fait penser aussi un peu à ce film là et ce livre là. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. De quelle époque ? La guerre des boutons. Ah, la guerre c'est des boutons, la guerre bien des sûr. Boutons, la voilà. Et effectivement, donc, d'autres auteurs insistent sur le fait qu'il faut faire attention à ces enfants en les préservant du feu, de l'eau, voilà, parce qu'ils sont encore très turbulents. Oui, Nathalie Goroshoff, ça fait partie aussi de la façon dont on peut envisager, en tant qu'historienne du 21e siècle, ce qu'est justement ces âges, ce que sont ces âges de la vie, sans vouloir absolument plaquer ce que l'on sait de ce qui a été construit au 18e, au 19e et au 20e siècle, qui a profondément bouleversé peut-être ces visions que l'on pouvait avoir au Moyen-Âge, justement. Oui, effectivement, mais on a surtout eu une historiographie qui a eu un peu tendance à disons, à effacer ou atténuer le sentiment de l'enfance au Moyen-Âge. Et c'est vrai que depuis 30 ou 40 ans, on est revenu là-dessus, parce que quand on voit un texte comme celui-là, on ne peut pas nier qu'il y a une conscience de la spécificité de l'enfance tout de même. Et vous voulez dire une historiographie qui longtemps avait considéré qu'on ne pouvait pas déterminer un âge particulier pour cette prime enfance, ou en tout cas qu'il n'y avait pas de particularité de cette prime enfance par rapport à ce qui suit. Voilà, et je pense par exemple aux travaux de Philippe Ariès, qui d'une certaine manière disait qu'au Moyen Âge, l'enfant était vu comme un adulte miniature. Mais qui n'avait pas, qui était un adulte en devenir, mais donc pas vraiment une vision des caractéristiques, des activités de l'enfant, de ses capacités. Oui, Valérie Toureille, tout de même, on peut dire que ce type de texte, des récits de soi, on les connaît pour parfois les confessions de Saint-Augustin plus tôt, ou beaucoup plus tard pour celles de Jean-Jacques Rousseau, sont assez rares et d'une certaine façon ne nous permettent pas véritablement d'approcher ce sentiment de l'enfance. Ils ne sont pas suffisamment nombreux pour qu'on puisse approcher ce sentiment de l'enfance, même si ce texte est exceptionnel, effectivement, de Froissart. Alors, en fait, les récits autobiographiques sont peu nombreux, il faut le reconnaître. Il y en a, vous avez cité Saint-Augustin, qui n'a pas d'ailleurs une vision très positive de l'enfance. Mais il y a quand même quelques textes sur lesquels on peut s'appuyer. On citera justement Guibert de Nogent. Là, il y a Froissart. Je pense aussi au récit du Jouvencel, qui est écrit par un homme de guerre au XVe siècle, qui retrace les étapes de son enfance. On a même une autobiographie illustrée tout début XVIe, Matthäus Schwarz, qui en image, mais donc sa vie en scène et parle de l'enfance. Au-delà, il y a beaucoup de sources qu'ont longtemps négligé les modernistes, qui nous permettent d'éclairer parfaitement cette connaissance. Donc, c'était un vrai défaut de connaissance des sources. Parce que si on part en particulier du XIIe ou du XIIIe siècle, là, on a quand même énormément de choses, à la fois dans les textes. Ce sont des traités de médecine, ce sont des encyclopédies, ce sont surtout les traités pédagogiques, Vincent de Vauvert, Raymond Lull, Philippe de Novare, qui parlent de ce moment privilégié d'ailleurs pour former le futur adulte. Et il s'agit de lui transmettre de bonnes paroles, de bonnes images, des valeurs, l'éducation se mélangeant souvent effectivement avec cette formation spirituelle, si on peut la qualifier comme telle. Alors, puisque vous avez évoqué le nom de Guibert de Nogent, vous pouvez nous le présenter, ce Guibert de Nogent, Nathalie Groschoff. C'est une source essentielle pour le Moyen-Âge central, pourrait-on dire, pour le 11e et le début du 12e siècle, en l'occurrence. Qui est-il et pourquoi, justement, est-il un de ceux qui a pratiqué l'autobiographie, ce qui est assez rare à l'époque, en même temps qu'il faisait le récit de la croisade, donc la première croisade par Gesta Dei, Père Francos. Alors, Guibert de Nogent, c'est un texte qui méritait d'être cité aujourd'hui, parce que on a beaucoup de textes normatifs, c'est-à-dire des traités d'éducation, mais des véritables autobiographies médiévales, on en a très très peu. Et là, c'est un texte exceptionnel. Alors, il l'écrit plutôt à la fin de sa vie, dans les années 1115-1120, au début du XIIe siècle, mais ce qu'il raconte, alors, avec un souvenir sans doute déformé, c'est sa toute petite enfance dans ce texte, et voilà, à 8-10 ans, quand il a été placé par un précepteur. Alors, il faut savoir que Guibert donc était consacré à Dieu, c'est-à-dire au moment où il est né, l'accouchement était difficile et sa mère l'a consacré à Dieu, c'est-à-dire elle voulait en faire un clerc, d'où cet épisode avec un. Elle a choisi un précepteur pour qu'il soit formé comme clerc. Mais c'est vrai que l'autobiographie, elle raconte plein d'autres choses qu'on n'aura pas le temps d'évoquer aujourd'hui. Donc non seulement son enfance, mais aussi son passage. Il a été très longtemps dans un monastère. Près de Beauvais, et ensuite il a fini par devenir vers 50 ans, pas très tôt, abbé du monastère de Nogent, sous Coucy, d'où son nom de Guibert de Nogent. Alors un extrait de cette autobiographie, donc rédigé au début du XIIe siècle, lu par Mélodie Auru. Ma sainte mère, désireuse de me voir instruit, décida de me livrer à un maître de grammaire. Peu de temps auparavant, et même en partie dans mon enfance, la disette de cette sorte de maître était telle que dans les bourgs, on n'en rencontrait pour ainsi dire jamais, et pas toujours dans les villes. Lorsque j'eus été placé sous son autorité, il m'éleva dans une telle pureté. Il m'écarta avec tant de conscience des sottises qui sont comme naturelles en ce jeune âge, qu'il m'éloigna complètement des jeux habituels. Les garçons de mon âge pouvaient, en effet, aller et venir à leur guise et, compte tenu des moments, on ne mettait nul frein à leurs inclinations. Mais moi, retenu loin de tout cela par une scrupuleuse coercition, je restais assis, affublé en clair, réduit à regarder, comme un animal savant, les bataillons de joueurs. Mon maître ignorait totalement la science de la rédaction et de la versification. Cependant, presque chaque jour, j'étais lapidé par une furieuse grêle de soufflets et de coups de fouet. Cet homme me contraignant à étudier ce qu'il avait été incapable d'enseigner. Par contre, tout ce qui regarde les principes du parfait honnête homme, il l'employa à mon profit. Tout ce qui concerne la modestie, la pudeur, les bonnes manières, il m'en imprégna avec la plus grande constance et avec affection. Voilà donc pour ce texte tiré de l'autobiographie de Guibert de Nogent, Nathalie Gorochoff. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un texte comme celui-ci ? C'est Guibert de Nogent et le mauvais maître, mais en même temps, c'est un mauvais maître qui apprend tout de même des valeurs, la pudeur, les bonnes manières, la modestie, etc., qui vont servir à Guibert de Nogent tout au long de sa vie. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce maître donc n'est pas très savant, comme le dit Guibert. Il est très dur et on a l'impression que ce précepteur lui a surtout donné une éducation morale, lui a inculqué la discipline, une discipline très dure. Hein, Guibert, il est souvent très malheureux hein, quand il parle dans son autobiographie. Il admire sa mère, mais là, c'est vraiment un passage de sa vie apparemment qu'il a détesté. Et donc, ce que ça nous indique aussi, pour enchaîner vers l'histoire des écoles, c'est qu'au milieu du XIe siècle, à l'époque où il est tout petit, c'est très compliqué de trouver un maître, un précepteur, qui soit suffisamment instruit pour donner une instruction en grammaire, en rhétorique latine, enfin ce que les gens qui voulaient faire carrière dans l'Église demandaient. Et là, on le voit très bien. Et en fait, dans son autobiographie, il le dit plus tard, hein, et quand il écrit son autobiographie, au début du XIIe, il y a beaucoup plus de maîtres, beaucoup plus d'écoles, il y a un essor des écoles urbaines. Mais au milieu du XIe siècle, il y avait une pénurie, et sa mère a eu beaucoup de mal à trouver ce maître. Et Guibert écrit son autobiographie dans un latin très élégant, et c'est pas ce maître-là qui lui a appris ce style-là, il l'a appris plus tard, après il est entré dans un monastère. Et il aurait même entendu des cours d'Anselme Dubec, Anselme de Canterbury, qui passaient dans le monastère où il se trouvait quand il était adolescent. Donc il a eu d'autres maîtres. Mais celui-là, il n'avait pas le niveau pour le former. Alors, si on réfléchit à cette question des âges de la vie, on a compris qu'il y avait cette petite enfance dont vous nous parliez tout à l'heure, Valérie Toureille, jusqu'à 5, 6, 7 ans peut-être, quelque chose comme ça. À partir de quand entre-t-on dans cette jeunesse, ou je ne sais pas si on peut l'appeler comme telle, qui est la sortie de l'enfance et qui entre dans un autre âge, d'une certaine façon, pour les jeunes garçons et les jeunes filles du Moyen-Âge au 12e ou au 13e siècle? Oui, alors cet âge de la césure, c'est souvent 7 ans, hein, l'âge de raison. Alors ça peut varier aussi, hein, on sait pas un coup près non plus, mais c'est l'âge où on commence donc à être enseigné, soit à l'école, mais c'est l'âge aussi où on peut commencer l'apprentissage d'un métier. Dès 7 ans. Dès 7 ans. On trouve souvent des apprentis vers 9 ans, vers 10 ans, mais ça peut commencer plus tôt. Ça peut commencer plus tôt. Et donc ça veut dire qu'on va chez un maître là, mais un maître d'un art quelconque, et on va travailler avec lui en tant qu'apprenti dans un atelier, ou avec son père, ou avec sa mère. Enfin, on quitte l'enseignement traditionnel pour rentrer dans un enseignant de métier, c'est cela ou pas, Valérie Toureille? Alors en fait, d'abord il faudrait distinguer la campagne de la ville. Pour l'enseignement le plus rudimentaire, il est difficile de le mesurer dans les milieux les plus humbles, et puis surtout dans le monde des campagnes, mais c'est quand même 80% de la population. On pense que les petits paysans accompagnent de toute façon depuis leur plus jeune âge les parents au champ, Il les aide dans leur tâche quotidienne. Donc, ce passage de la septième année ne veut pas dire grand-chose, sauf qu'évidemment, leur fonction et leurs tâches s'alourdissent. Pour les petits citadins, il est vrai que leur vocation, c'est de reprendre le métier du père. Et c'est souvent ce père, voire d'autres membres de la famille, qui se chargent de négocier des contrats d'apprentissage, où l'on place donc petits garçons ou petites filles pour être formés. Alors les petits garçons, évidemment, ce sont tous les métiers de l'artisanat et de bouche qu'on peut imaginer. Pour les petites filles, elles sont chambrières ou couturières, là aussi placées de la même manière. Vous avez beaucoup travaillé, en l'occurrence, sur la question des crimes, sur la question des vols, sur la question de la délinquance au Moyen-Âge. Valérie Toureille, on trouve peu de traces, expliquez-vous, dans certains de vos travaux, justement, de cette délinquance pour les plus jeunes. En tout cas, on en trouve des traces, mais généralement, quand on trouve ces jeunes garçons, en particulier de 9, de 10 ans, de 12 ans, qui sont pris et qui vont passer en jugement, eh bien, on les absout assez facilement de leur responsabilité parce qu'il y a dans la tête des contemporains une vision particulière de cette jeunesse qui ne serait pas responsable et qu'il faudrait rééduquer, et pas forcément rééduquer en les mettant honteusement sur la place publique et en leur faisant vivre les pires châtiments publics, en l'occurrence, le pilori ou d'autres châtiments de ce type, mais en leur faisant vivre ces punitions de façon privée à l'intérieur des tribunaux en particulier, pour qu'ils ne puissent pas pâtir justement de cette humiliation publique, en l'occurrence Valérie Toureille. Tout à fait. Alors c'est une conscience qu'ont les juges, qui est formée aussi par les textes normatifs, à travers les coutumiers, précisent qu'il y a des circonstances atténuantes pour ceux qu'on appelle les sous-âgiers, ceux qui sont des mineurs en quelque sorte. Alors, sans entrer dans les détails de cette minorité juridique, qui est un peu complexe, il est vrai qu'ils bénéficient de cette clémence. Donc on voit effectivement des jeunes gens saisis comme ça par la justice, soit tout simplement remis en liberté très très vite, soit on leur administre une petite fessée, comme on dit, sur le carreau, à l'abri du regard, pour que cette petite correction leur serve de leçon. On croit beaucoup à la rééducation et à la rédemption aussi. Le vol fait partie des raisons les principales pour lesquelles on peut être traîné devant un tribunal quand on est un jeune garçon en particulier. Et le vol chez son maître, c'est un vol domestique qui est encore, une circonstance aggravante, pourrait-on dire ? C'est vrai, le vol domestique est un vol qualifié parce que le voleur a trahi la confiance de son maître, il vit dans son foyer, donc on est dans des relations très particulières. Vraisemblablement, une bonne partie de ces vols nous échappent parce qu'on préfère sans doute régler ça entre les murs de ce foyer. Vous évoquez l'apprentissage, j'ai le souvenir d'un jeune garçon qui est apprenti serrurier et qui va fabriquer une fausse clé pour aller forcer le coffre de son maître où se trouve caché, rangé, son contrat d'apprentissage. On reviendra sans doute sur cette question-là. Pourquoi cette lettre est-elle l'objet de tout son intérêt? Mais effectivement, c'est un vol grave. Donc il vaut mieux éviter de voler son maître, mais on en a quand même quelques exemples. Et puisque vous évoquez justement cette question des contrats d'apprentissage, eh bien Mélodie Horu va nous lire quelques-uns de ces extraits que vous avez pu trouver dans les archives autour de à la fois un jeune garçon placé à 10 ans en apprentissage chez un tisserand de Gênes au XIIIe siècle et dans un deuxième temps une jeune fille de 9 ans placée par sa mère chez une couturière pour une durée de 6 ans. C'est à Saragosse au XVe siècle. Nous, Bussy de Savarina, forgeron, et Henri de Rivalta, batteur de laine, chacun de nous convenons avec toi. Jean de Tournai, tisserand, de garantir que Jeannot, fils de Cisserie de Rivalta, restera afin d'apprendre à tisser les étoffes avec toi et tes héritiers, ou avec qui tu ordonneras, pour les 10 prochaines années. Il ne quittera pas ton service, ne prendra pas femme, ni ne se fiancera avant le terme du contrat. Moi, Jeannot, je jure de m'occuper de toi, ainsi que de tes biens, et des biens d'autrui qui sont en ta maison. À l'inverse, moi, Jean de Tournai, promets et conviens de bonne foi avec vous de garder avec moi le dit Jeannot jusqu'au dit terme, et de lui apprendre et de lui faire apprendre à tisser des étoffes, et de lui donner nourriture et vêtements convenablement, et de ne pas lui faire faire ce qui serait au-dessus de ses forces, et veiller sur lui, sous la dite peine, en obligation de mes biens. Voilà donc pour ce jeune garçon placé en apprentissage chez un tisserand de Gênes au XIIIe siècle, et voici pour cette jeune fille placée à 9 ans, donc par sa mère, chez une couturière à Saragosse. Moi, Gracia Martinez, femme de Pascual Boal, habitante de Saragosse, avec l'accord de mon mari ici présent, place auprès de vous Pedro de Cordova et Catalina González de Sevilla, votre femme couturière, habitant à Saragosse, ma fille Catalina Dipra, fille de Georges Dipra, mon défunt mari, en guise de fille de service et apprentie dans le métier de couturière, depuis le jour de la signature de cette lettre pour les 6 années à venir. Condition : que vous soyez tenu de lui donner à manger, à boire, de la vêtir et chausser, de la conserver en bonne santé, de lui faire faire des choses licites et honnêtes, et de bien la traiter et avec décence, et de lui apprendre le métier de la couture. Item, à condition qu'après vous avoir bien servi et complètement dans cette période, vous soyez tenu, vous le dit ménage, de la marier. Et je charge votre conscience du choix de son époux et de la façon dont la marierez. Beaucoup d'obligations pour celui ou celle qui prend un jeune apprenti ou une jeune apprentie dans sa propre famille. Il faut évidemment qu'il lui apprenne un métier ou qu'elle lui apprenne un métier, mais aussi qu'il soit, disons, garant de son destin futur en choisissant son futur mari pour cette jeune fille. En l'occurrence, c'est très particulier. C'est vrai, c'est contraignant des deux côtés. Bien sûr. Objectivement, ces âges où l'on place les enfants, 8 ans, 9 ans, sur des durées particulièrement longues, hein, vivre 7 ans, 10 ans sous la coupe d'un maître, hein, pour être formé et travailler sans rétribution. Donc effectivement, le gîte, le couvert, et puis l'obligation de le vêtir, et de les chausser, sont les conditions habituelles, hein, que l'on trouve dans ces contrats d'apprentissage. C'est à la fois exemplaire et particulier, ces deux contrats, parce que dans le premier cas, le père est absent, hein, c'est l'oncle qui s'en charge, donc on imagine qu'il est déjà orphelin. Et dans le second cas, c'est une mère remariée, hein, qui place sa fille auprès d'une couturière. Il y a aussi chez cette mère, ce qui n'est pas toujours le cas dans les contrats d'apprentissage, la préoccupation donc du bon traitement. Mmh. Et de la décence, on y reviendra sans doute, hein, mais on ne doit pas maltraiter ses enfants, on ne doit pas attenter à la décence des petites filles, ce qui, en miroir, veut bien dire que le contraire existe, évidemment. Oui, et alors, malheureusement. Évidemment, c'est un cas très particulier, parce qu'on pourrait dire, Nathalie Gorochoff, que ces jeunes garçons ou ces jeunes filles qui entrent en apprentissage vont faire un apprentissage long, mais on sait aussi, vous êtes spécialiste de l'histoire de l'université au Moyen-Âge, que entrer à l'université, c'est y entrer vers 13 ans, c'est ça? Oui, à 14 peu ans. Près. 13, 14 ans, mais c'est aussi rester a priori assez longtemps dans cette formation de clercs qui sont donc intégrés à l'Église, puisque les universités dépendent de l'Église, et en l'occurrence, y rester jusqu'à quel âge? 25, 27, 30 ans, ça peut durer longtemps. Ça peut être plus longtemps que ça, donc on va dire que c'est une jeunesse qui se prolonge assez longtemps. Qui trouble justement notre vision de ce qu'est la jeunesse, justement. Enfin, aujourd'hui, on est jeune jusqu'à 45 ans, dit-on, mais oui, en l'occurrence, ça pourrait aller. C'était presque ça. Alors, voilà, les universités apparaissent au début du XIIIe siècle et se multiplient. Il y en a une soixantaine fondées au Moyen-Âge, à peu près dans toute l'Europe. Et c'est vrai que dans la première faculté, qui est la faculté des arts libéraux, où on enseigne à la fois la grammaire, la philosophie, les gens peuvent arriver assez jeunes après le passage probablement dans une école élémentaire, hein, dont qu'on a un peu déjà évoqué tout à l'heure, et ce sont des gens qui sont passés par une école. Je crois que si on veut vraiment saisir la différence, enfin voilà, une des grandes différences avec notre époque, et on parlait à l'instant de l'apprentissage, c'est que ces enfants qui partent en apprentissage, eux, ils n'ont pas été à l'école, hein. Il faut imaginer que l'école élémentaire, l'apprentissage de la lecture et donc de l'écriture, c'est pour une petite minorité de gens. Au mieux, peut-être, en Italie, à la fin du Moyen-Âge, peut-être 30% des garçons, hein, apprennent à lire et écrire. Et on a l'habitude de dire une personne sur 10 au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, c'est lire et écrire. Donc c'est déjà... L'université va être réservée à des gens qui sont passés par une école élémentaire, qui ont appris à lire et à écrire, donc qui n'ont pas été envoyés en apprentissage ou qui n'ont pas été des petits paysans. Et ils entrent tôt, effectivement, à l'université. Alors, on a l'habitude de dire, pour avoir la maîtrise SAR, qui est le plus haut diplôme de la première faculté, il faut avoir 21 ans. La maîtrise SAR, c'est ça, 21 ans. C'est-à-dire la faculté qui va être propédeutique, pour faire bref. Et ensuite, ils s'engagent dans des études de droit, de médecine ou de théologie, qui peuvent être très longues en théologie, pour obtenir la licence, la maîtrise en théologie. Il faut 15 années. Donc maîtrise SAR. On est à 21 arrive, plus 15. On arrive à 35 ans. Donc là, on est sorti de la jeunesse. Et ces gens sont à la fois étudiants, mais il faut aussi qu'ils puissent manger pendant leurs études. Alors, ou bien ils ont des biens. Il y a sans doute pas mal de nobles qui ont des biens familiaux, donc des revenus fonciers. Et puis, il y en a qui sont des clercs, beaucoup sont des clercs et ont des bénéfices ecclésiastiques. Ils sont curés ou chanoines. En même temps qu'ils continuent leurs études. En même temps, ce qui entraînait aussi beaucoup d'absence, hein, dans les bénéfices, dans les cures et la présence de vicaires. Oui, donc on voit bien qu'il y a, alors je ne sais si on peut parler de classe sociale, mais des différences très importantes entre ceux qui peuvent, entre guillemets, entrer dans cette université et ceux et celles que vous trouvez dans vos archives à vous, Valérie Toureille, qui sont généralement des gens qui participent, parce qu'on les trouve dans les archives judiciaires, à des larcins, qui sont des larrons et qui sont poursuivis comme tels, en l'occurrence Valérie Toureille. Oui, je préfère le terme de catégorie sociale. Oui. Il est vrai que moi, je rencontre aussi quelques clercs turbulents. Il y a une vraie différence, effectivement, dans la formation. Maintenant, c'est très compliqué de la mesurer dans les milieux populaires. Je prends l'exemple de Jeanne d'Arc, par exemple. Était-elle en mesure de lire ? Je ne parle pas de l'écriture, mais au moins de lire. Je pense à Jean Gerson qui explique, Jean Gerson qui a été quand même chancelier de l'université, qui est donc issu d'un milieu plutôt paysan, hein, c'est la paysannerie des Ardennes, et c'est sa mère qui a donné ce premier enseignement formel, hein, l'abécédaire que certaines mères peuvent transmettre. Donc, c'est vrai qu'il est difficile de faire comme ça des ratios par catégorie sociale. Mais bien sûr, comme vient de le dire Nathalie, seule une élite favorisée, urbaine ou nobiliaire, peut accéder à cet enseignement lettré. Et puis, cette élite peut être favorisée par des souverains ou des souveraines. C'est ce sur quoi vous avez travaillé, en l'occurrence, Nathalie Kuranchoff, à savoir la création du Collège de Navarre, après grâce au testament de la reine Jeanne de Navarre, donc femme de Philippe Capdevielle, en l'occurrence, et reine de France, qui va permettre à des jeunes de bénéficier d'un enseignement nouveau, c'est cela ? Alors, les collèges dans les universités médiévales sont au départ, à l'origine, des lieux d'hébergement pour les étudiants, pas des lieux d'enseignement. Et quand on se promène autour de la montagne Sainte-Geneviève, on s'aperçoit. Il y en a eu beaucoup à Paris. Le collège des Écossais, etc., etc. Collège de Sorbonne. Donc, ils sont fondés soit par des prélats qui ont beaucoup d'argent et qui laissent, n'ayant pas d'enfants, une part de leur fortune pour ces fondations, soit, effectivement, quelques-uns ont été fondés par des gens de la famille royale. C'est le cas du Collège de Navarre, fondé par la femme de Philippe le Bel, la reine de France. Ils sont là pour héberger les étudiants, et ça répondait à un réel problème, c'est que les étudiants venaient de loin, souvent. Il n'y a pas tant d'universités que ça, hein. Même 60 universités dans toute l'Europe par rapport à aujourd'hui, c'est pas grand-chose, donc on va quand même assez loin de chez soi. Il faut pouvoir être hébergé dans le lieu d'études, nourri. Donc, ou bien, là encore, on y revient, hein, avoir des revenus personnels, ou bien être hébergé dans un collège, hein. On est logé dans un dortoir, on a une bourse d'études. Mais au départ, ce ne sont pas de véritables lieux d'enseignement, hein, ce sont des lieux d'hébergement. À peu près 10% des étudiants à Paris étaient logés dans des collèges. Il y en avait beaucoup à Oxford, à Cambridge aussi, bien sûr. Alors, on écoute justement ce texte extrait du testament de la reine Jeanne de Navarre, lu par Mélodie Auru. Nous donnons notre maison de Navarre, près de la porte Saint-Germain-des-Prés, en laquelle trois manières d'écoliers du royaume de France puissent convenablement habiter. Y habiteront 20 écoliers enfants en grammaire et 30 en logique et philosophie, et 20 en théologie ou divinité. Voulons qu'il y ait un grammairien le meilleur et le plus convenable que l'on pourra trouver, pour instruire et enseigner en grammaire et demeure les enfants grammairiens. Et pour son travail, il recevra une double bourse, c'est-à-dire qu'il sera continuellement avec eux de jour et de nuit pour les instruire toujours bien et loyalement. Le maître qui lira de la même façon aux Arciens sera choisi comme le plus convenable de sa faculté, sans considération de personne ni de nation. Que ce maître réside aussi continuellement avec les enfants pour leur lire les leçons ordinaires. Qu'il soit attentionné et diligent à l'égard des écoliers, pour les informer en science et bonne mœurs, et qu'il ne supporte pas le moindre défaut chez lui-même comme chez les écoliers. Nous voulons que le maître de grammaire et les écoliers aient leur habitation à part. Des écoles pour eux, des dortoirs où ils dorment ensemble, une salle où ils mangent et une cuisine. Et ainsi, commandons-nous pour les Arciens. Pour les théologiens, nous voulons aussi qu'ils aient une habitation convenable, selon ce que leur état requiert, et que le gouverneur ait sa chambre personnelle, et qu'une maison spéciale soit prévue pour les malades ou les mal disposés. Extrait du testament de la reine Jeanne de Navarre, qui institue le Collège de Navarre, sur lequel vous avez fait votre thèse, en l'occurrence Nathalie Goroschoff. Là, on voit bien qu'il y a cette question de nation, parce que Paris est une des places importantes des universités européennes et qu'on y vient de loin. Vous avez travaillé en particulier sur les étudiants et les maîtres italiens venant enseigner à Paris. Et il est important peut-être l'humanisme né de l'autre côté des Alpes, en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'il y a là cette idée d'un brassage de gens qui viennent de partout, qui ont pour commun la langue latine, et c'est pour ça qu'on appelle ça le quartier latin, je pense, en l'occurrence, mais qui, au départ, ont des langues d'origine très différentes. Voilà, donc dans l'université, alors à Paris en particulier, et dans les autres grandes universités qui attiraient des étudiants de toute l'Europe, on peut citer Bologne, par exemple, effectivement, ou Montpellier, il y a des étudiants qui viennent de toute l'Europe, et ils peuvent communiquer entre eux et avec leurs professeurs, en latin, effectivement. Mais en même temps, quand ils arrivent à l'université, il faut imaginer qu'ils sont quand même très jeunes, ils viennent parfois de très loin, ils se retrouvent pas tout seuls, parce qu'il y a eu, dès le début, dans les universités, des regroupements d'étudiants par nation, c'est-à-dire par groupe de régions d'origine. Et il y avait une certaine solidarité, ces nations étaient là voilà, pour accueillir les étudiants, mais aussi ils célébraient ensemble des fêtes religieuses qui étaient propres à leur région d'origine. Il y avait aussi une confraternité, c'est-à-dire si un étudiant mourait, tous les étudiants de la nation allaient à ses funérailles. Enfin voilà, il y avait cette solidarité qui faisait qu'ils n'étaient pas tout seuls. Alors ils étaient protégés par un statut spécial puisqu'ils appartenaient à l'Église en l'occurrence. Et parfois ça déborde parce qu'il n'y a pas que chez Valérie Toureille qu'il y a des débordements qui donnent lieu à des incidents dans la ville. Il y a la fameuse grève de 1229-1231 en l'occurrence, Nathalie Goroschoff, qui était un moment très étonnant de l'histoire universitaire ou étudiante, pourrait-on dire, en plein milieu du 13e siècle, eh bien, il y a une bagarre dans un cabaret, enfin une taverne, qui tourne mal, véritablement mal. Et en l'occurrence, les étudiants font grève parce qu'ils sont sanctionnés par la reine de France à l'époque, enfin celle qui est régente de Blanche de Castille. Voilà, l'histoire des universités au Moyen-Âge, elle est jalonnée par ces épisodes qui ne sont pas finalement si nombreux, mais qui sont tous assez spectaculaires. Et la grande grève de 1229 l'est particulièrement. Donc effectivement, on est plutôt au début de l'histoire de l'université de Paris. C'est dans les 30 premières années, c'est une sorte de crise, peut-être de croissance en fait. Et des étudiants se bagarrent, contestent le prix de la boisson. Hein, et c'était un jour de fête. Ils n'étaient pas. À Mardi Gras. Voilà. Et donc, ils contestent le prix de la boisson. Ils se disputent avec l'aubergiste. Et puis, il y a une bagarre. Et puis, le lendemain, d'autres étudiants, que certains chroniqueurs qualifient plutôt de provocateurs, de gens qui sont venus, finalement, à nouveau mettre de l'agitation dans le quartier, reviennent. Et là, la reine de France, il s'agit de la mère de Saint-Louis, qui était tout jeune en 1229, donc Blanche de Cassis, envoie ses sergents. Et les sergents poursuivent les étudiants. Des étudiants sont tués, d'autres sont blessés. Et les chroniqueurs, les sources parlent de dizaines et de dizaines d'étudiants blessés. L'un d'entre eux dit qu'il y a peut-être des centaines d'étudiants qui se sont jetés à la Seine pour échapper aux sergents. Et du coup, l'université demande évidemment à la reine réparation pour ce qu'elle considère comme une injure, hein, puisque l'université était protégée, ses membres étaient protégés par ce qu'on appelle le fort ecclésiastique, et donc ils ne pouvaient pas être atteints par la justice laïque. Et s'ils étaient jugés, ils étaient jugés par des tribunaux ecclésiastiques. Voilà, là, ils ont été blessés, tués. Et Blanche de Castille ne semble pas bien comprendre l'enjeu. Donc l'université menace, elle dit on va quitter Paris, on va s'en aller. Il n'y avait pas de bâtiment dans les universités médiévales jusqu'au XVe siècle, il n'y a pas de bâtiment. Donc on peut très bien aller dans une autre ville, et c'est souvent arrivé qu'il y ait des migrations d'étudiants et de professeurs mécontents. Ils quittent Paris, ils partent ailleurs. Alors là, ils se sont dispersés dans toute l'Europe et ça a duré 2 ans. Ouais. Et donc ça a beaucoup fait fortune du côté de l'Angleterre, où on les accueille, à Oxford et à Cambridge en particulier, et ça permet de doper ces deux universités anglaises. Voilà, c'est-à-dire qu'il semble bien que cette dispersion a relancé Oxford, qui vivotait un peu depuis sa fondation au début du XIIIe siècle. Il y a surtout beaucoup d'Anglais qui étaient à Paris, qui sont revenus à Oxford et qui ont organisé Oxford, lui ont donné des statuts, des règlements, qui étaient d'ailleurs les règlements parisiens. D'autres universités, les écoles d'Orléans se sont développées à ce moment-là. Ils ont été jusqu'en Espagne, en Italie, et ils étaient très mécontents. Alors, il y a une question qui me vient, Valérie Toureille, c'est que on pense souvent, quand on pense jeunesse, on pense aux éclats de la jeunesse, et en particulier des éclats organisés, qui peuvent être des charivaris ou d'autres choses de ce type-là. J'ai eu la chance d'avoir pour professeur il y a très longtemps Nicole Pégrin, qui avait travaillé sur les bachelleries en Poitou en particulier, qui sont ces organisations très particulières de jeunes, justement, qui s'arrêtent au moment du mariage ou au moment du premier enfant, mais qui sont des organisations de la fin du Moyen-Âge, et dont on trouve la trace jusqu'au XVIIIe siècle, et qui organisent des sortes de confréries, pourrait-on dire, entre jeunes, qui se permettent des choses qu'on ne leur permet pas s'ils ne sont pas dans ce genre d'institution. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce genre, disons, d'attribution particulière à cette jeunesse qui est autorisée à certains moments de faire certaines choses que d'autres âges de la vie n'ont pas la possibilité de faire, Valérie Toureille? Oui, c'est vrai, il existe ces structures, vous employez le mot juste, hein, c'est bien des confréries, certains sont même très structurés, qui ont pour vocation l'amusement. Donc ce sont des habits de jeunesse, des bachelleries, hein, et elles regroupent ces jeunes adolescents jusqu'à ces jeunes adultes en âge de se marier. Hein, et on se marie tard parfois parce qu'il y a un retard au mariage. C'est vrai, surtout dans les périodes difficiles où l'emploi commence à manquer. Donc on autorise effectivement ces jeunes à s'ébattre. C'est une sorte de soupape de sécurité que les médiévaux concèdent à la jeunesse. Hein. Je l'évoquais tout à l'heure, cette agitation, cet âge turbulent, on le reconnaît et on le pardonne. Au moins jusqu'à la fin du XVe siècle, les choses changeront dans un deuxième temps. Oh. Mais on aime bien ces parenthèses dans le temps, hein, Moyen-Âge, pas seulement pour la jeunesse, hein, il y en a d'autres. Hein, mais même la fête des innocents, c'est la fête des enfants après Noël, hein, où on les laisse un peu faire ce qu'on veut dans l'église. Alors, on peut faire des choses lorsqu'on est jeune et que l'on a le droit de le faire quand on appartient à ses confréries. Mais on ne peut pas faire certaines choses lorsqu'on est adulte vis-à-vis de ces jeunes. Vous nous avez choisi deux exemples, en l'occurrence Valérie Toureille, de textes du XIVe siècle qui vont être lus par Mélodie Auru, justement, qui montrent que cet apprentissage, ce travail chez les maîtres peut se passer mal et que parfois il faut intervenir pour empêcher que ça se passe encore plus mal. Thomas et Guillaume Seval, fils de Thomas Seval de Canterbury, qui avait été confié comme apprenti par leur père à John Sharp, se présentèrent devant la cour pour se plaindre que leur maître s'était rendu pendant une longue période à Newgate et ne pouvait pas leur donner leur formation. Que sa femme Marguerite ne les avait pas nourris suffisamment, les avait battus si méchamment et avait frappé Guillaume sur l'œil gauche si violemment qu'il l'avait perdu. C'est pourquoi il priait la cour de rompre leur contrat d'apprentissage. C'est un texte d'Angleterre en 1371, mais un autre texte du XIVe siècle nous est encore lu par Mélodie Auru. Perrault Favaresque vint demeurer comme valet avec maître Raymond Durand de Villefranche en la dite sénéchaussée pour le servir, garder son cheval et faire tout ce qui appartient à l'office de valet allant à pied. Un dimanche soir, quand il eut déchaussé et couché son 10 mètres en la chambre de l'hôtel de sa mère à Villefranche, il voulut partir pour aller se coucher dans le lit où il avait coutume de dormir. Son 10 mètres le rappela et lui commanda de se déshabiller et de se coucher tout nu avec lui. Lui qui parle, c'est la confession de Perrault, refusa fermement. Mais sur l'insistance de son maître, finit par obéir. Et sitôt qu'il fut couché, son 10 mètres se rapprocha de lui et le baisa. En embrassa moult fermement et monta sur lui aussi comme s'il fût une femme. Et lui mit son vite en lui en bougeant aussi comme ce il fût sur une femme. Et dit-il qui parle, dit qu'il s'en alla, pleurant auprès de la chambrière de la maison qui a nom Jeanne. Et la dite chambrière commença à rire. Les aveux de la chair, pourrait-on dire, pour reprendre des questions qui sont d'actualité avec la parution du nouveau tome de travaux de Michel Foucault, en l'occurrence, là, effectivement, une question d'abus sexuel. On en parlera d'ailleurs demain à propos de notre émission sur la jeunesse, puisque nous traiterons de la question de la majorité sexuelle. Une question d'abus sexuel sur un jeune homme par son maître, donc, et nous sommes au XIVe siècle, Valérie Toureille. Oui, c'est un témoignage rare, parce qu'on imagine malheureusement que ces situations devaient être régulières. Il a fallu la ténacité de ces deux jeunes garçons, hein, parce que la procédure a duré 2 ans, hein, pour que enfin leurs paroles soient entendues. J'évoquais tout à l'heure cette petite fille, hein, qu'on place chez son maître et dont on essaie de garantir la décence. Bon, voilà, on imagine aussi comme les petites filles qui sont placées dans les cours de ferme, hein, que la vie de ces enfants devait être parfois extrêmement difficile. On peut dire aussi, Nathalie Gorochoff, que évidemment cette période est longue dont nous parlons. On a commencé au XIe ou au XIIe siècle, que nous allons jusqu'au XIVe ou au XVe siècle, qu'il y a des évolutions dans le regard porté par les maîtres, par ceux qui sont chargés de l'enseignement en particulier, et que parmi ces évolutions, eh bien, on peut évoquer justement la naissance d'un humanisme italien sur lequel vous travaillez maintenant, Nathalie Gorochoff. Et son implantation progressive dans le reste de l'Europe et en France en particulier. On va écouter un dernier texte pour cette émission d'archives de ce matin consacrée à la jeunesse au Moyen-Âge, lu par Mélodie Auru. C'est un texte de Maffeo Veggio, de l'éducation des enfants et de la bonne mœurs. C'est un texte de 1444. Il faudra faire un usage très limité des menaces, des insultes et des coups. C'est une erreur très fréquente chez les parents que de croire que menaces et coups apportent une grande contribution à l'éducation des enfants. Alors que la peur qu'ils engendrent est telle qu'elle n'est pas toujours dépassée à l'âge adulte. Souvent d'ailleurs, il en résulte une déperdition d'énergie. Les parents, sans exception, doivent s'impliquer avec le plus grand zèle à éduquer les enfants. Parvenus à l'âge de 7 ans, ceux-ci devront aller à l'école, sans attendre davantage. Les maîtres veilleront à ne pas les accabler d'un coup de trop de devoirs. Ce qu'il faut rappeler aux parents et aux maîtres, comme principe à observer avant tout, c'est qu'ils doivent veiller à l'inclination naturelle de chacun. Parce que rien ne se fait, comme le dit un vieux proverbe, contre la volonté de Minerve. Alors nous sommes en 1444, c'est Maffeo Veggio, donc dans son traité de l'éducation des enfants et de leurs bonnes mœurs. On était quand même assez loin de Berthold de Ratisbonne, sur lequel vous avez travaillé, Valérie Toureille, je crois. Si un enfant apprend pour la première fois à voler, corrige-le immédiatement avec une baguette et oblige-le à rapporter son larcin où il l'a pris. C'est la seule façon de l'empêcher de s'habituer à chaparder ou à voler. On est quand même assez loin de cela. Et c'est quoi? C'est l'humanisme qui est passé par là ou c'est quoi? Oui, ou c'est alors, une évolution des mœurs, c'est un changement, en l'occurrence, Nathalie Grandchoff. Non, alors il y a effectivement, au XVe siècle, plusieurs humanistes italiens qui écrivent ce genre de traité, où l'on lit ce type de réflexion qui nous paraissent très modernes, en fait. On a l'impression, c'est bien un texte de 1444, c'est pas un texte du XXe siècle, écrit par un pédopsychiatre. Et effectivement, là, il y a quand même une évolution par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, Guibert de Nogent qui était frappé. Donc, longtemps, les historiens, il y a des historiens de l'humanisme italien qui ont beaucoup insisté, qui ont dit que ça a été une vraie révolution, ces humanistes italiens au XVe siècle, ils ont vraiment un nouveau regard sur l'enfant, il ne faut plus le battre, il faut faire attention à sa progression. Il ne faut peut-être pas trop exagérer non plus, parce que là, on est dans des textes normatifs, ce sont des traités. Alors, quelle est la réalité? C'est vrai qu'il y a quand même une attention nouvelle, mais de l'ordre du discours, chez ces humanistes italiens qui disent, voilà, il faut veiller à la formation complète de la personnalité de l'enfant, pas seulement l'instruction, pas seulement la morale, mais c'est tout à la fois. Il faut qu'il apprenne l'éloquence pour servir le prince. Donc il y a aussi un nouveau contenu dans l'enseignement. Mais il y a quand même cette idée, voilà, de, en tout cas chez Maffeo Veggio, qui est un maître aussi, un enseignant, l'idée qu'il ne faut pas battre l'enfant, qui est tout à fait intéressante. Et on le lit chez d'autres humanistes italiens. Alors, au XVe siècle, donc à la toute fin du Moyen-Âge, on a d'une part ce monde de l'humanisme italien qui nous explique ça. Et on a vu aussi apparaître à l'autre bout de l'Europe, dans les Pays-Bas, de nouveaux types d'écoles, notamment dans une congrégation religieuse qui s'appelle les Frères de la vie commune, où on commence à mettre ensemble des enfants de même niveau scolaire. Il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas de classe de niveau. C'est-à-dire qu'à l'université, à la faculté des arts, des enfants de 14 ans suivaient les mêmes cours que des gens qui étaient quasiment proches de leur maîtrise SA. Et l'idée est donc de donner une instruction par niveau, progressive, donner des exercices de plus en plus difficiles, est aussi une idée qui apparaît, par exemple, chez les Frères de la vie commune. Alors, avec l'humanisme italien, on a quand même l'impression qu'il y a... Voilà, quelque un chose petit changement. Qui bouge. Un changement. Oui. Valérie Toureille, ce qui prouve qu'il faut faire ce que vous avez fait pour votre Crime et châtiment au Moyen-Âge, l'archéologie du vocabulaire, en l'occurrence, quand on traite de cette question de cette jeunesse au Moyen-Âge, parce que cela permet de justement évoquer l'évolution, pourrait-on dire, des notions, et d'entrer dans une vision beaucoup plus fine de ce que l'on peut dire selon les catégories sociales, comme on l'a dit, selon les périodes, et ça n'est pas la même chose au XIe ou XVe siècle. C'est vrai. Et en même temps, l'histoire n'est pas linéaire non plus. Chez Aldebrandin, qu'on a peut-être évoqué aussi, qui est un de ces penseurs du XIIIe siècle, il dit qu'il faut choisir un pédagogue qui ne fonde pas donc sa méthode sur les coups. Donc on a comme ça aussi très tôt des gens qui essaient de préserver donc l'enfant des châtiments ou des chastiments, mais... Je reviens sur la question du vol et des autres catégories sociales. Dans la noblesse, par exemple, il est de coutume. Alors, le mot est peut-être un peu fort. En tout cas, c'est une habitude qui se rencontre chez certaines familles d'apprendre à voler aux jeunes nobles. Il doit apprendre une certaine dureté de la vie, dormir à la belle étoile, dormir avec son armure et essayer d'aller voler le bétail du voisin. Cette capacité à évoluer en milieu hostile la nuit sans se faire repérer. Donc, voilà. Donc, ce qui est possible pour certains ne l'est pas pour d'autres, vous voulez dire. C'est-à-dire que... Oui, enfin, c'est quelque chose qu'on rencontre dans l'Antiquité aussi, ouais. ce type d'apprentissage par le vol. C'est très particulier. Mais bon, c'est vrai quand même que l'apprentissage des enfants, et là je parle des jeunes nobles, mais peut-être un apprentissage encore rude, il faut les aguerrir, ces jeunes gens. Et donc, effectivement, on pourra avoir intérêt à vous lire l'une et l'autre pour réfléchir à cette question de la jeunesse au Moyen-Âge, à vous lire aussi, j'ai beaucoup aimé un des travaux que vous avez fait récemment, Valérie Toureille, sur la question de la monarchie du crime, où on a imaginé en parallèle à la monarchie légitime des rois de voleurs, etc. Et en particulier avec cette question de l'apprentissage du vol, justement, par les plus jeunes qui rentreraient dans des sortes de confréries de voleurs. Et j'ai noté le très mauvais garnement qui était Dimanche Loup, en particulier, que vous avez trouvé dans un de vos articles. Donc, on pourra vous lire en allant sur les bons sites, justement, universitaires que sont Cairn, que sont Percé ou que sont revue.org, qui s'appelle maintenant Open Edition, je crois, pour ce qui est des articles que l'on peut trouver, des articles universitaires, et puis vous lire aussi dans Crime et châtiment au Moyen-Âge, Valérie Touraille, c'est chez Au Seuil en 2013, et aussi vous nous parlez du dernier livre que vous avez fait très brièvement. Oui, consacré à la formation d'un noble dans un contexte de guerre. Là aussi, j'ai essayé de travailler presque, je dirais, sur les non-dits de la formation de ce jeune garçon. On n'a pas eu tellement le temps d'en parler, mais le château est aussi un lieu de formation, c'est très intéressant. Ah oui. Parce que noble et non-noble s'y retrouvent, c'est aussi la part des précepteurs, la formation des garçons, des filles, et bon, peut-être à une autre occasion. Ouais, il s'appelle Robert de Sarrebruck et on pourra vous lire aux presses universitaires de Rennes, donc... ou l'honneur d'un écorcheur. C'était en 2014, et pour votre part, Nathalie Gorochoff, on vous lira dans Collège de Navarre et dans La naissance de l'université, tous les deux publiés chez Honoré Champion. Merci beaucoup d'être venues toutes les deux pour nous parler de cette jeunesse au Moyen-Âge. Merci. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Anthony Thomasson nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Et merci à Mélodie Auru qui a lu tous ces textes.